13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Penaud et ses rendez-vous avec X. Monsieur X, cette semaine, m'a fait une confidence. Mais en est-ce vraiment une? Sous la 4e République, à l'occasion d'un des nombreux changements de gouvernement, il a brièvement quitté le monde clos des services secrets pour entrer dans un cabinet ministériel. Qu'y a-t-il fait? Il ne m'a pas donné beaucoup de détails, mais j'ai cru comprendre qu'il avait été sans doute conseiller du ministre de l'Intérieur, un conseiller spécial pour des affaires très spéciales. Il n'a pas dû manquer de travail. Les gouvernements de la 4e République devaient en effet se battre sur tous les fronts. À l'extérieur, il fallait se dépêtrer des affaires coloniales, naviguer entre l'hégémonisme américain et la menace soviétique, construire l'Europe, tandis qu'à l'intérieur, le pouvoir devait juguler les innombrables scandales et tentatives de subversion qui ont émaillé la vie de la 4e. Affaires des généraux, affaire des fuites, bon d'Arras, nous en avons déjà parlé ici même avec M. X. À chaque fois, il y avait la volonté d'abattre le régime, de le pervertir de l'intérieur, autant de coups qui permettront d'aboutir au 13 mai 1958 et à la chute de la 4e République. Mais il y a eu aussi les complots. Une spécialité de l'après-guerre, revanchard de Vichy, nationaliste de tout crin, ex-cagoulard, ils sont tous unis par un anticommunisme viscéral. 1947, l'année de la grande peur, comme on l'a appelé plus tard, a tétanisé l'opinion. L'union politique scellée dans la résistance et qui a survécu tant bien que mal au départ du général de Gaulle vole en éclats. C'en est fini du tripartisme. Les communistes ont quitté le gouvernement. De leur plein gré ou chassés, peu importe. La nouvelle politique de Staline ne leur laissait pas le choix. On devait désormais lutter classe contre classe, comme dans les années d'avant le Front populaire, classe contre classe, ou plutôt bloc contre bloc, car c'est de cela qu'il s'agit. La guerre froide a aussi envahi la France. La fin de l'année 1947 voit les grèves se multiplier. Les grèves, mais aussi les sabotages, parfois meurtriers. Le pays est-il à l'aube d'une révolution? Les communistes vont-ils prendre le pouvoir? Les troupes rouges vont-elles déferler sur notre pays? La menace semble réelle. Et derrière, il y a le spectre de la guerre nucléaire, car jamais les États-Unis n'accepteront l'installation d'un régime communiste en Europe de l'Ouest. Des milliers de réservistes sont mobilisés. Jules Moc et ses CRS rétablissent l'ordre. Mais pour beaucoup, ce n'est qu'un répit. Le danger communiste demeure. Le nouveau mouvement politique lancé par le général de Gaulle, le RPF, devient le champion de la lutte anticommuniste. Aux élections municipales, il obtient un véritable triomphe. Les ennemis d'hier, collaborateurs, zélateurs de Pétain et partisans d'une droite extrême, taisent un instant leur rancœur et rejoignent les gaullistes. Le service d'ordre du RPF recueille bien volontiers ses enfants perdus. C'est dans cette ambiance tumultueuse que vont naître les complots. Et parmi ceux-ci, celui qui est resté dans la petite histoire de la 4e République, comme le complot de la Pentecôte en 1949. Une affaire apparemment un peu farfelue, mais qui dissimulait en fait, selon M. X, une opération beaucoup plus importante. On a dit pique-pende de la 4e République, c'est non seulement injuste, mais c'est faux. Bah, quand même, il y avait cette instabilité gouvernementale chronique. Bon, d'accord, enfin, faut pas oublier que la vraie modernisation de la France commence sous la 4e, et la 5e sera bien contente d'en récolter les fruits. Vous là, d'un seul coup nostalgique. Oh, j'étais beaucoup plus jeune, sans doute, et j'avoue que j'ai vécu toute cette période avec une sorte d'exaltation. D'exaltation, pourquoi? Bah, nous sortions de la guerre, nous nous étions battus, et nous avions rêvé d'une France nouvelle, d'une société plus juste. Alors, malgré les difficultés de toutes sortes, il n'était pas question de renoncer. Puis c'est vrai, nous mettions une ardeur très juvénile à nous battre contre tous ceux qui menaçaient la République. Malheureusement, quelques-uns de ceux-là étaient issus de nos propres rangs. C'est-à-dire de la résistance? Naturellement. Des types qui s'étaient enivrés d'aventure et qui trouvaient l'époque un peu molle. Un peu molle, c'est-à-dire la paix. Oui, ça leur était monté à la tête. Il y en avait aussi qui n'avaient toujours pas digéré le départ du général de Gaulle et qui étaient prêts à tout pour le faire revenir au pouvoir. Mais par la force, éventuellement. Tout à fait, ça ne leur faisait pas peur. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens-là n'avaient pas hésité à s'acoquiner avec les revanchards de Vichy, qui, eux, ne poursuivaient qu'un objectif, en finir avec la gueuse. Ouais. Alors, venons-en maintenant à ce complot dont vous vouliez me parler. Le complot de la Pentecôte. Ouais. Hein. C'était le premier complot de la 4ème République ? Oh non, il y en avait eu au moins deux autres avant, mais je vous le promets, si nous en avons le temps, je vous en parlerai un jour prochain. Si nous avons le temps, qu'est-ce que ça signifie là, ça ? Ah, je ne suis plus un jeune homme, monsieur Pénon. Oui, enfin, sans doute, mais enfin, vous me semblez en pleine forme quand même. Votre diagnostic me ravit. Bon. Alors, le complot de la Pentecôte, donc. Hein. En fait, pourquoi la Pentecôte ? Bah, parce que son déclenchement était prévu à ce moment-là. Et il y avait une raison particulière ? En fait, semble-t-il, les comploteurs avaient prévu d'agir à Pâques, mais une haute autorité religieuse leur aurait dit qu'il était malséant de tenter un coup de force à l'occasion d'une fête aussi importante pour la chrétienté. Oh, étrange, ça. Bien sûr. En fait, s'ils n'ont pas agi à Pâques, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ne seront d'ailleurs guère plus avancés à la Pentecôte qui tombait cette année-là, le 5 juin. Et vous voulez insinuer que ces comploteurs n'étaient pas très sérieux. Ah, vous avez tout compris. Bon, alors pourquoi en parler ? Bah, d'une part, parce que ce complot est très révélateur de l'époque. D'autre part, parce qu'il n'est que la partie maladroitement émergée d'une affaire beaucoup plus considérable. Ouais. Admettons, j'imagine qu'il est parfaitement inutile que je vous demande de me révéler tout de suite de quoi il s'agit. Bien entendu, laissez-moi ménager mes effets. Bon, alors, par où commencer ? Je voudrais d'abord vous parler d'un curieux personnage, celui qu'on a présenté comme étant l'âme du complot, le colonel Delort. Je vous écoute, qui est-ce ? Officiellement, c'est un ancien résistant d'une cinquantaine d'années. Pourquoi cet officiellement ? Parce que tout n'est pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la biographie de Delort, à commencer par son nom d'ailleurs. Parce que Delort est un pseudonyme ? Oui, en réalité Delort s'appelle Lacor. Il serait devenu Delort pendant la guerre. Neveu d'un ministre du Front Populaire, il a, semble-t-il, mené une vie assez aventureuse avant-guerre. Aventureuse Oui, enfin, il a exercé divers métiers, il a pas mal bourlingué à l'étranger. Il a commis quelques escroqueries. Ah, mais joli personnage. Hein. J'ajoute autre chose qui va vous intéresser. Delort affirme avoir appartenu au deuxième bureau. C'était le service de contre-espionnage de l'armée. Oui, mais c'est pour remplir des missions pour ce service qu'il a tant bourlingué. Oui. Et à votre avis ? Moi, je crois qu'il a tout inventé. Quand la guerre arrive, il est mobilisé. Selon sa biographie officielle, c'est-à-dire celle qu'il récite volontiers, il est ingénieur au moment de la déclaration de guerre. Et lorsqu'arrive l'armistice, il porte le grade de capitaine. Mais il est fait prisonnier, envoyé en Allemagne, puis en 1941, il s'évade. Oui, j'allais dire naturellement. Bien sûr. Ouais. Aussitôt revenu en France, vous l'imaginez bien, il entre dans la résistance. Et là, sous le nom de guerre de Jean de la Lune, il crée une organisation qui va bientôt compter plus de 1000 agents. Jean de la Lune, quelle trouvaille. N'est-ce pas ? Enfin, je continue. En 44, Delort, alias Jean de la Lune, cède les rênes de son organisation et crée un nouveau réseau, Darius. Il s'occupe maintenant de réceptionner les parachutages alliés et d'organiser les départs clandestins d'importantes personnalités de la résistance. Ouais. Attendez, quand même, avant d'aller plus loin, là, dites-moi s'il y a un fond de vérité là-dessous. Bah, écoutez, moi, je n'ai jamais trouvé trace d'un réseau qui se serait appelé Darius. Alors, tout est faux ? Presque tout, oui. Je le crains. Je poursuis. Naturellement, ses hautes responsabilités dans la résistance l'ont mis en contact avec les services secrets de Londres, puis d'Alger. Ouais, ça, c'est le BCRA du colonel Passy. Hein. Puis la DGER de Soustelle. Ouais. Et ensuite, avec le SDEC qui succédera à ces deux services et qui sera dirigé jusqu'en 1946 par le colonel Passy. Delort est maintenant colonel, lui aussi. Colonel, il arbore un maximum de décorations. Bah, écoutez, il doit quand même être possible de vérifier si Delort, comme il le prétend, a appartenu vraiment à ces services secrets de la France libre. Vous avez raison, tout à fait. Je ne vous donnerai qu'une réponse. Au moment où a éclaté l'affaire du complot de la Pentecôte, on a interrogé le colonel Passy. Et l'ancien patron des services secrets de la France libre a déclaré fermement que Delort n'avait jamais appartenu aux organisations qu'il a dirigées et qu'il n'a non plus jamais eu connaissance de l'existence d'un réseau de résistance qui se serait appelé Darius. Mmh. Oui, mais vous m'avez vous-même dit un jour, je ne sais plus quand, là, que quand on parlait du colonel Passy, justement... Mmh. Qu'au sortir de la guerre, les agents secrets étaient légion. Oui, c'est vrai. À un moment donné, on en a même compté 30 000. Alors, Delort aurait pu échapper à la vigilance de Passy. Non. Pas un chef de réseau, pas un type qui prétendait avoir dirigé 1000 agents sur le sol français. Donc, Delort était un affabulateur. Comme il y en avait beaucoup à l'époque. Faux résistants, faux officiers, faux FFI, combattants de la dernière heure. Autant de types qu'on retrouvera souvent, comme par hasard, dans tous ces mouvements séditieux qui ne cherchait qu'à abattre la République sous prétexte de lutter contre le communisme. Mais, et ce mais est important, il n'est pas impossible qu'il ait quand même rencontré d'authentiques anciens résistants. Mais qui Des hommes qu'il a sans doute abusés et qui lui ont manifesté de la sympathie, qui lui ont même confié des missions en tant que contractuel. et parmi eux, un véritable agent du SDEC, ce qui explique la suite. L'historienne de la 4e République, Georgette Elgey, a analysé cette grande peur qui a nourri, sinon justifié, l'éclosion des complots contre le régime. Je la cite. Octobre 1947. 5 mois ont suffi pour que les derniers vestiges des alliances nouées contre le nazisme s'effondrent. Le monde divisé en 2 blocs ennemis, la 4e République est soumise aux attaques opposées des communistes et des gaullistes. Le décor est dressé. Le rideau se lève sur un mélodrame souvent tragique, risible parfois. La grande peur. Peur réciproque des Américains et des Russes. Les uns parlent du danger russe, les autres de l'agression américaine. Peur réciproque en France des gouvernants et des communistes. Les uns parlent de coups de force insurrectionnels, les autres des prisons où ils vont être jetés. À force de prévoir le pire, chaque camp devient prisonnier de ses craintes, qui le plus souvent ne sont pas motivées. Chacun, pour expliquer sa conduite, invoque la peur. Qu'elle soit fondée, n'importe pas, sans cesse proclamée, elle est la réalité. Des précautions non justifiées par l'événement deviennent vite ridicules. La tentation d'en rire est aisée. L'honnêteté oblige à reconnaître que souvent, si de telles mesures apparemment inutiles n'avaient pas été prises, le cours de l'histoire aurait peut-être été modifié. Il semble acquis maintenant que Staline, toujours conscient de la faiblesse russe, n'a pas voulu étendre par la force son emprise sur la France. Mais en 1947, les responsables français sont fondés à s'interroger sur ces visées expansionnistes. Menacent-elles notre pays ? Alors, la question se pose. Je vous rappelle que l'histoire de la 4e République de Georgette Elgey est publiée en 4 volumes chez Fayard. Reprenons le fil de mon entretien avec M. X. Cet agent du SDEC, là, qui est-ce ? Morvan, un type très fort qui va diriger les opérations spéciales du service. Donc un responsable. Incontestablement, ouais. Mais on va reparler de lui. Delors, qui exhibe à tout bout de champ ses glorieux états de service, grenouille donc très rapidement dans les milieux gaullistes et nationalistes, où l'on croise aussi pas mal de gens des services et nombre de militaires. Mais dans quel but Delors a un objectif. Il veut créer une organisation clandestine anticommuniste. En effet, il pense où ? Il fait semblant de penser que le Parti communiste français va prendre un jour ou l'autre le pouvoir et que les hordes soviétiques vont envahir le pays. Fantasme courant à l'époque. Oui. Ouais. Et assez intelligemment, il pense d'abord recruter chez les anciens résistants, les fidèles du général de Gaulle. C'est facile de leur dire, tenez-vous prêts, c'est-à-dire soyez de nouveau prêts à résister en cas de danger communiste. Mais il s'agit seulement de résister ? Dans un premier temps, oui. Parce que Delors, naturellement, a de plus grandes ambitions. Ce qu'il vise, c'est la prise du pouvoir. Et donc, carrément, le renversement de la 4e République. Bien entendu. Mais il veut prendre le pouvoir à son profit ? Oui et non. Il dit à tous les conjurés en qui il a confiance qu'il s'agit de faire revenir le général de Gaulle. Mais attention, le général ne sera que le symbole politique du renouveau français. Le vrai pouvoir, c'est lui, Delors, qui l'exercera. En somme, de Gaulle ne sera qu'une potiche. C'est à peu près ça. Ouais. Quand on connaît le général, ça ne me paraît pas très réaliste. Il y a des gens qui gobent ça ? Eh oui, aussi incroyable que cela paraisse. Delors recrute donc d'anciens résistants, des officiers d'active, même des policiers. Et puis bien sûr, il approche les militants du RPF. À tous, il déclare qu'il dispose du soutien de généraux prestigieux, Juin et Bétoire, par exemple. Et c'est efficace, hein, cette campagne de recrutement. En tout cas, c'est certain. Delors obtient quelques succès. Et quelques subsides aussi. Pas mal d'argent, même. Certains des sympathisants préfèrent donner de l'argent plutôt que de se compromettre sur le terrain. Mais d'autres s'engagent vraiment. Et après avoir renoncé à agir à Pâques, comme je vous l'ai expliqué, les conjurés se préparent pour le grand jour. La Pentecôte. Oui. Delors a alerté ses amis de province. Un officier doit apporter 100 d'uniformes. À la préfecture de police, un policier est chargé de paralyser le réseau téléphonique. Des forces de la Légion étrangère, de la garde républicaine, doivent aussi participer. Quant aux Américains, Delors assure les conjurés qu'ils sont au courant et qu'ils considèrent le complot avec sympathie, puisqu'il s'agit avant tout d'une action anticommuniste. Oui, naturellement. Ouais. Ils ont même financé le mouvement. Ouais. Mais bon, je suis obligé de vous reposer la question, là. Encore une fois, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessus ? Delors a fait un voyage aux États-Unis l'année précédente, et il n'est pas exclu qu'il ait trouvé là-bas quelques soutiens financiers. Dès qu'il s'agit d'anticommunisme, les Américains sont toujours prêts à ouvrir leur porte-monnaie. N'oublions pas que peu de temps avant, lors de la scission de la CGT, ils ont largement contribué à financer la branche dissidente Force ouvrière. Ouais. Il y a quand même une différence entre la création d'une centrale syndicale et le complot de M. Delors. C'est vrai, mais poursuivons si vous le voulez bien. Dans la semaine qui précède la Pentecôte, les conjurés se mettent en marche pour monter sur Paris. Mais quel est leur plan? Pour eux, le classique, il s'agit de s'emparer des lieux de pouvoir. Ouais, alors, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, Matignon, radio, etc. Exactement. Et combien sont-ils? En principe, ils doivent être très nombreux. Oui, mais en réalité... Ils sont très peu, ridiculement peu, quelques dizaines tout au plus. Et ils y vont quand même? Oui, pas question de reculer. Rendez-vous est pris à Paris pour le jeudi précédant la Pentecôte. Mais ce jour-là, dans l'après-midi, la police entre en action. Delors et quelques-uns des conjurés parisiens sont arrêtés. Alors, la police savait? Oui, je vais vous raconter comment. Mais il y a des conjurés de province, ils ne sont pas au courant de l'arrestation de leurs amis. Il faut les prévenir, les commander. Un conseiller municipal RPF de Paris s'en charge. Il s'embarque dans une auto avec des armes, quelques revolvers, un pistolet mitrailleur, une mitraillette, des fusils. Un autre véhicule suit. En tout, ils sont trois ou quatre. Mais ils vont au-devant des conjurés de province. Oui, mais à peine arrivés à Meudon, ils tombent sur les gendarmes. Des gendarmes qui les attendent? Je ne crois pas, mais voyant les gendarmes, les conjurés paniquent. Le conseiller municipal RPF manipule un fusil, sans doute pour essayer de le dissimuler. Un coup part, et la petite bande est aussitôt arrêtée. Ouais, c'est du grand guignol, votre histoire. C'est pas fini. Un autocar venant de Périgueux arrive dans le sud de la banlieue parisienne. Un autocar affrété par les comploteurs? Oui, il devait être une trentaine, et ils ne sont que trois. Joli succès. Sur le bord de la route, une voiture attend. L'autocar s'arrête comme prévu à sa hauteur. Un homme descend. Il donne au chauffeur de l'autocar le mot de passe convenu. Clémenceau, je crois. Enfin, suivez-nous, l'auto démarre, l'autocar suit. Le convoi ne s'arrêtera que dans la cour d'un immeuble de la rue des Saussets. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Hein. Oui, l'immeuble de la Sûreté Nationale. La voiture appartenait à la police. Les passagers de l'autocar sont invités à descendre et sont immédiatement coffrés. Ouais, mais votre complot de la Pentecôte, c'est donc un complot d'opérette. Ça en a tout l'air, en effet. Mais il faut dire que la conjuration était infiltrée depuis le début. Et les autorités y ont mis fin lorsqu'ils l'ont voulu. Et en en tirant un bénéfice politique incontestable. Oui, j'imagine. En effet, la présence parmi les comploteurs de militants RPF ne pouvait qu'arranger le pouvoir qui ne cessait de dénoncer les tentations putschistes des gaullistes. Mais il y avait autre chose derrière. Mais quoi exactement alors? Ce complot d'opérette, comme vous avez dit vous-même, mettait en danger une opération secrète très importante. Il convenait donc de l'étouffer dans l'œuf. Et un homme allait le payer de sa vie. Mais qui? Delors, naturellement, puisque c'est lui et lui seul qui savait. Un journaliste de la Gazette de Lausanne, Jean-Pierre Moulin, a analysé à chaud et avec finesse les conséquences politiques de la découverte de ce complot de la Pentecôte. Je le cite. Les complots valent ce que valent les institutions. En d'autres termes, il est plus facile de renverser un régime en Amérique du Sud qu'en France. Si l'on a fait beaucoup de bruit dans les cercles officiels autour de ce que l'on a appelé le complot de la Pentecôte, ce n'est pas tant parce qu'on a eu peur que parce qu'il y avait là un excellent prétexte pour le gouvernement, et plus particulièrement pour le ministre de l'Intérieur, de faire apparaître sa force et son habileté. L'utilisation des faits à des fins publicitaires est une pratique courante et somme toute fort compréhensible. Personne n'a cru une minute que les conjurés de la Pentecôte pouvaient faire le moindre mal aux institutions républicaines. Monsieur Mock, pas plus que quiconque. Cela n'empêche pas que ses services ont utilisé tous les moyens dont ils disposaient pour faire le maximum de publicité autour de cette histoire de fou, selon les termes même de Monsieur Mock, Monsieur Perron et Madame Rebatté, tous deux communistes, et Monsieur Legendre, RPF, qui ont interpellé mardi dernier le gouvernement sur le complot de la Pentecôte. Monsieur Mock leur a répondu, et sa minutieuse et complaisante réplique nous a prouvé combien il trouvait de satisfaction à cet office. Un ministre est un homme, il a ses faiblesses et ses sujets favoris. Personne ne reprochera à M. Mock son goût de l'intrigue policière, la précision sèche et percutante de ses explications. Il y a là toute une mise en scène nécessaire, ou si l'on préfère, inévitable, toute une phraséologie de circonstances dans un pays où, si l'on veut bien s'en référer à l'histoire, on a conspiré de tout temps contre tous les régimes. Mais vous avez bien entendu, M. X, la vérité n'était pas aussi simple. Quelques jours après son arrestation, le colonel Delors est interrogé par un juge militaire. Puis il regagne sa cellule de la prison de la Santé. Et au cours de cet interrogatoire-là, il parle? Non, il dit qu'il ne veut pas dénoncer ses chefs. Mais je crois que c'était lui le chef. C'est ce qu'il prétendait, en effet. Ouais. Alors vous croyez vraiment qu'il avait des chefs? Dans sa tête, oui. C'est pas très clair. Et pourtant, la vérité, vous allez comprendre rapidement. Mais revenons encore un instant à Delors. Il retrouve donc sa cellule. Il est dans quel état d'esprit, là? Il est assez abattu. On serait à moins, non? Mais enfin, après un échec aussi ridicule. Oui. Mais le lendemain matin, lorsque le gardien lui apporte son café, il semble ragaillardi. Une demi-heure plus tard, il est mort. Mort, mais comment ? Pendu. Il a accroché une corde faite avec une de ses chemises au robinet de son lavabo et en même temps, il s'est taillé les veines avec un morceau de verre. Mais le robinet se trouvait à quelle hauteur ? 1m20 à peu près. Il a réussi à se pendre ainsi, c'est un peu suspect. Hein. Pas tant que ça. Beaucoup de prisonniers se sont pendus en s'accrochant à l'espagnolette de leur fenêtre. Mais dans le cadre de l'or, c'est vrai. On peut avoir des doutes. Alors, vous pensez qu'on l'a peut-être assassiné ? Mais j'en suis à peu près sûr, parce qu'il risquait de parler. Et de dire quoi, alors ? J'y viens. Je dois aussi vous dire qu'on a trouvé auprès de lui des lettres. Mais comme par hasard, on n'en aura jamais connaissance. Avez-vous déjà entendu parler d'une opération nommée Rose des Vents ? Rose des Vents, non, je crois pas. Je vous ai dit que dans cette immédiate après-guerre, on vivait dans la hantise d'une guerre prochaine avec les Soviétiques. Et dans les services secrets, on prenait cette menace très au sérieux. D'autant qu'après le blocus de Berlin, la guerre froide devenait de jour en jour plus impitoyable. On se préparait donc à un conflit, oui. Un conflit possible. Oui, et personne n'avait oublié le désastre de 1940. Par conséquent, il a été décidé de prendre les devants. C'est-à-dire ? Il était vraisemblable que l'armée française ne pourrait pas faire face au rouleau compresseur soviétique. Par contre, en cas d'occupation, on pouvait déjà prévoir l'organisation d'une vraie résistance. Avant même une éventuelle occupation, vous voulez dire ? Exactement. Oui. Et c'est donc le SDEC qui se charge de créer ces réseaux de résistance ? Oui, il s'agit d'implanter dans toute la France des réseaux dormants, et clandestins naturellement. Et j'imagine qu'on va faire appel pour ça aux anciens maquisards. Pas du tout. Je comprends pas. Mais si, il faut surtout pas donner la puce à l'oreille aux communistes. Or, vous ne l'ignorez certainement pas, les communistes ne se trouvaient pas tous au sein des unités FTP. Très habilement, ils avaient investi d'autres mouvements de résistance. Des sous-marins. Oui, on peut appeler ça comme ça, effectivement. Donc, mettre les anciens résistants dans le coup, c'est risquer d'informer les communistes. C'est bien sûr impossible, puisque cette nouvelle résistance est justement dirigée contre le grand frère. Ouais. Alors, qui va-t-on s'adresser ? Vous pensez bien qu'on va d'abord recruter dans les organisations anticommunistes. Donc dans les mouvements de droite. Et même d'extrême droite, n'ayons pas peur de le dire. Il faut bien faire front commun contre l'ennemi, mais chaque candidat, avant d'être vraiment recruté, va faire l'objet d'une sérieuse enquête, un peu à la façon dont sont recrutés les agents des services secrets. Mais qui est vraiment à l'initiative de la création de cette Rose des Vents, c'est ça ? C'est le patron du SDEC à l'époque, le successeur du colonel Passy. Henri Ribière, un socialiste. Mais les socialistes d'alors sont souvent les plus virulents des anticommunistes. Et comment s'organise ce réseau clandestin ? Eh bien, selon un système pyramidal classique et en respectant de strictes règles de cloisonnement. Il y a donc des chefs régionaux, puis des chefs départementaux. Et en dessous, des agents, des sous-agents, tous groupés par trois. Et disposant, bien sûr, de postes émetteurs et de radios entre eux. Et combien vont-ils être, tous ces... Des centaines et des centaines. Et le secret n'a jamais transpiré ? Non. Et au moins jusqu'à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Le réseau a continué d'exister. Ce qui signifie que pendant toutes ces années, il a fallu poursuivre l'entraînement des agents. Assurer la maintenance des appareils de transmission, etc. Et vous avez raison de poser la question du secret, parce que c'est là l'explication de l'affaire du complot de la Pentecôte. Mais soyez plus clair, là. OSDEC, l'organisation de cette opération Rose des Vents, est confiée à ce Morvan dont je vous ai parlé. Un type qui connaît très bien de l'or. Oui, et Morvan enrôle de l'or. Vous commencez à comprendre ? C'est à peu près, oui. Donc Delors se lance à corps perdu dans cette affaire, il y voit une occasion magnifique de rassembler des anticommunistes purs et durs, et rapidement il dérape. Ce réseau dormant, ça ne lui paraît pas suffisant, il faut en faire un réseau actif, un instrument de prise du pouvoir. À partir de là, il est fichu. Parce que les gens du SDEC vont le liquider pour protéger le secret de leur réseau. Naturellement, dès que Morvan apprend que Delors délire, il le met sous surveillance. Un capitaine est introduit dans son petit groupe et tout en l'encourageant, il le piège. Mais comment il le... Oh, le plus simplement du monde. Il l'invite à déjeuner dans une pièce truffée de micros. Delors se vante, décrit tout le dispositif du complot de la Pentecôte. Il est aussitôt décidé de l'éliminer. Vous comprenez maintenant pourquoi il a été aussi facile à la police d'arrêter les conjurés. Ouais, il savait tout. Ouais. Mais en fait, les comparses n'intéressaient guère. Seul comptait Delors, car il était seul à connaître les secrets de l'opération Rose des Vents. Et quand Delors a dit au juge militaire qu'il ne dénoncerait jamais ses chefs, il pensait à ce Morvan ? Bien évidemment. Et je vous rappelle que dès le lendemain, il était mort. Une dernière information, et je suis sûr qu'elle vous intéressera beaucoup. Bah, allez-y toujours. Savez-vous comment s'appelait le chef de la Rose des Vents dans la région lyonnaise ? Non, pas du tout, non. François de Grossouvre, alias Monsieur le Duc. Vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi, dès l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, c'est François de Grossouvre qui a été chargé par l'Élysée de superviser les services secrets. Encore une fois, pour bien comprendre la genèse de cette opération Rose des Vents, appelée aussi Arc-en-Ciel, Il faut en venir à cette année de la Grande Peur, l'année 1947. Dans leur livre sur nos services secrets, la piscine, Roger Faligot et Pascal Krop expliquent bien sa naissance. C'est Henri Ribière qui a eu l'idée de l'opération Arc-en-Ciel, baptisée aussi Rose des Vents ou Mission 48, parce qu'elle débuta cette année-là. Dans les milieux socialistes, fort influents au SDEC, on craint de plus en plus la menace soviétique. La fin de l'année 47 a été particulièrement agitée. Depuis la création du Cominform à la conférence des PCs européens de Slarska Poreba, les communistes ont adopté une stratégie d'affrontement. Dans les partis politiques, la psychose enfle. À la même époque, le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, qui vient d'être élu maire de Bordeaux, se précipite au consulat américain de sa ville pour annoncer que le PC va sans doute tenter son va-tout. À Marseille, éclatent des émeutes. En novembre, la CGT paralyse les mines du Nord et du Pas-de-Calais. Les dockers bloquent les ports de Bordeaux, du Havre, de Marseille et de Nantes. L'affolement est général. Dans ce climat extrêmement chaud, le patron du SDEC élabore un projet de riposte en cas d'invasion soviétique. Mais, contrairement à Passy, son but n'est pas de ramener De Gaulle au pouvoir. Il est seulement prévu d'évacuer, en cas d'occupation, le gouvernement vers l'Afrique du Nord. Des locaux sont à cet effet réquisitionnés au Maroc. Prévoyant, le SDEC expédie dès cette période quelques-unes de ses archives préalablement microfilmées à Dakar. Henri Ribière envisage de créer un réseau de plusieurs milliers d'hommes à travers toute la France. Il s'agit, ni plus ni moins, de rebâtir un BCRA. Pour recruter leurs agents, les officiers du SDEC n'hésiteront pas à faire référence à l'action héroïque du général de Gaulle pendant la dernière guerre. En cas de crise, le SDEC, dont l'état-major aurait été transféré au Maroc, réveillerait ses filières de taupes dormantes pour susciter une nouvelle résistance sur le territoire national. À samedi prochain pour un nouvel entretien avec Monsieur X. C'était bien sûr Patrick Pénaud. Rendez-vous avec Monsieur X, que l'on retrouvera bien sûr samedi prochain, toujours sur France Inter.